Je m'y suis prise de toutes les façons. Et ce n'est pas lui, sans doute. Mais il n'y a jamais rien eu de pareil. Quand ce serait lui, au reste, Maître Blaise est bien un autre parti, s'il m'aime. Eh bien, fillette, à quoi en suis-je avec Angélique ? Au même état où vous étiez tantôt. Eh, mais tant pis, ma grande fille. Ne me direz-vous point ce que peut signifier le « tant pis » que vous dites en riant ? C'est que je ris de tout, mon poulet. En tout cas, j'ai un avis à vous donner. C'est qu'Angélique ne paraît pas disposée à accepter le mari que M. Lucidor lui destine et qui est ici. Et que si, dans ces circonstances, vous continuez à la rechercher, apparemment, vous l'obtiendrez. Croyez-vous ? Eh, mais tant mieux. Oh, vous m'impatientez avec vos tant mieux si tristes, vos tant pis si gaillards, et le tout en m'appelant ma grande fille et mon poulet. Il faut, s'il vous plaît, que j'en ai le cœur net. Monsieur Blaise, pour la dernière fois, est-ce que vous m'aimez ? Il n'y a pas encore de réponse à ça. Vous vous moquez donc de moi ? Voilà une mauvaise pensée. Avez-vous toujours dessein de demander Angélique en mariage ? Le micmac le requiert. Le micmac ? Et si on vous la refuse, en serez-vous fâché ? Oui, da. En vérité, dans l'incertitude où vous me tenez de vos sentiments, que voulez-vous que je réponde aux douceurs que vous me dites ? Mettez-vous à ma place. Boutez-vous à la mienne. Hé, hey, quelle est-elle ? Car si vous êtes de bonne foi, si effectivement vous m'aimez... Oui, je suppose. Vous jugez bien que je n'aurai pas le cœur ingrat. Lorgnez-moi un peu que je vois si ça est vrai. Qu'en ferez-vous? Je le garderai. La gentille enfant, que dommage de laisser ça dans la peine. Quelle obscurité. Voilà Madame Argante et Monsieur Lucidor. Il est apparemment question du mariage d'Angélique avec l'amant qui lui est venu. La mère voudra qu'elle l'épouse. Et si elle obéit, comme elle y sera peut-être obligée, il ne sera plus nécessaire que vous la demandiez. Ainsi, retirez-vous, je vous prie. Oui, mais c'est d'obligation aussi de revenir voir ce qu'il en est pour me comporter à l'avenant. Encore ? Oh, votre énigme est d'une impertinence qui m'indigne. Hé, c'est pourtant 12 000 francs qui vous fâchent. 12 000 francs ? Où va-t-il prendre ce qu'il dit là ? Je commence à croire qu'il y a quelque motif à cela.